princesse en rêve d'un soir, une lueur d'espoir. En ce moment même, je ne peux savoir ce qu'il s'y passe. Lutte contre la vie. Ça devrait être le contraire. Dans notre pays, on profite de la vie. Demandez-le à Lemuel Balak Bétrèze. Lui, malheureusement, sait très bien ce qu'il voit. Sans cesse des personnes affamées, des seuils au seuil de pauvreté, anciens territoires colonisés, culture exploitée, ils ne demandent pas grand chose, juste de ne plus en être la cause des problèmes autres que leur pays, qu'on les laisse en paix, les prendre au premier degré pour ne plus nous comparer. Ville d'Abidjan rêve de nombreux d'enfants d'y habiter, de réaliser ce qu'ils ont toujours souhaité, une vie prospère, de ne plus voir autant de misère. Ils sont comme nous, tous des êtres humains, des sentiments et un cœur amoindri par ce qu'ils voient. Touchés de plein face de ces menaces, continuent leur train-train, bien plus rapide qu'une limace. Aiment le football comme nous tous, n'aiment pas encaisser des buts qu'ils s'étaient fixés. Chaque défaite est surmontable, il suffit juste de ne pas passer sur la table face aux misérables calés à tous les coins de rue. Il n'est déjà même pas tolérable que l'on nous détruise. Alors ne le fais pas tout seul, fais quelque chose, ne t'isole pas, suis ou du moins écoute les conseils, d'accord. Quand tu n'es pas de seuil, les amis ça se trouve sans s'en aller loin, à chaque rire, rire pour mieux dormir, rire pour ne pas fuir de la convivialité de tous. Ils sont comme nous, tous des êtres humains, des sentiments et un cœur amoindri par ce qu'ils voient. Touchés de plein face de ces menaces, continue leur train-train, bien plus rapide qu'une limace. Il y aura toujours une personne jalouse de l'amour que tu portes pour ton épouse. Tu la mérites, tu les hérites du bonheur, tu les excites de cette complicité amoureuse. Tu vois différemment. Ils sont comme nous, tous des êtres humains, des sentiments et un cœur amoindri par ce qu'ils voient. Touchés de plein face de ces menaces, continue leur train-train, bien plus rapide qu'une limace. Ils ont su se démerder avec les moyens du bord, les moyens du port. C'est ce qui fait leur force. Un concotier au milieu de ces écorces, un trou y est caché. Ils sont comme nous, tous des êtres humains, des sentiments et un cœur amoindri par ce qu'ils voient. Touchés de plein face de ces menaces, continuent leur train-train, bien plus rapide qu'une limace. Habitants de la Côte d'Ivoire, ce texte est dédié, même si on me reprochera de me répéter. La misère n'est pas un jouet, je respecte chaque personne qui s'y trouve, que tu sois black, blanc, beurre. Tu as un cœur.